Chapitre 13e. Depuis que Gromilor était à Asnières, Angélique allait tous les dimanches, entre le déjeuner et le dîner, voir ses amis, embrasser son chat, le consoler elle-même. Elle profiterait de sa prochaine visite pour consulter ses amis et leur soumettre ses scrupules. Il était de bon conseil, M. Limonier, sérieux, réfléchi, prudent, ne faisant rien sans avoir auparavant pesé le pour et le contre, ne disant rien sans avoir tourné cette fois sa langue avant d'ouvrir la bouche. Cela était bien gênant quelquefois, au moins dans la conversation. Mais pour ce qu'elle attendait de lui, cela ne pouvait être qu'excellent. Quant à Madame Limonier, beaucoup plus alerte d'esprit et de parole, elle était fine et savait voir bien les choses qui restaient inaperçues pour son mari, occupé à réfléchir ou à peser ce qu'il ne devait pas dire. Sa résolution prise, elle balança toute la semaine les moyens de la mettre à exécution. Elle prépara ses phrases, elle se les récita, et le dimanche suivant, elle partit bien décidée. Elle dirait ceci, elle répondrait cela. En somme, rien n'était plus honnête. Mais une fois arrivée à Asnières, son courage l'abandonna, et elle revint sans avoir rien dit du tout, furieuse contre elle-même, honteuse de sa timidité, de sa lâcheté. Le dimanche d'après, elle fut plus brave. Mais sa bravoure n'alla pas jusqu'à s'expliquer clairement. Aussi fallut-il longtemps pour que M. Limonier la comprît, et encore n'en fut-il jamais venu à bout sans l'aide de sa femme. « Est-ce que vous penseriez à vous marier ?» demanda Mme Limonier. « Vous, Angélique ?» s'écria M. Limonier. « Vous n'êtes donc pas heureuse comme vous êtes, seule chez vous, faisant vos quatre volontés, ne dépendant de personne ?» Puis tout à coup il s'arrêta et elle le vit remuer la mâchoire sans prononcer un seul mot. Sans doute il tournait cette fois sa langue avant de lâcher quelque imprudence. Elle expliqua que les choses n'en étaient pas à ce point. Mais un monsieur très bien semblait avoir des intentions sur elle et au cas où il la demanderait, ce qui pourrait arriver et aussi ne pas arriver. Elle désirait avoir leur opinion pour ne pas être seule juge d'une aussi grave affaire. « Comment est-il ? » demanda Mme Limonier. « Vous avez vu ces papiers ?» dit M. Limonier, qui était plus sensible au côté affaires qu'au côté sentiment, et qui savait par tradition que dans les mariages, les papiers tiennent toujours une place considérable. « Nous n'en sommes pas là. Mon enfant, permettez-moi de vous dire qu'en fait de mariage, il faut bien se garder d'une impatience nubile. » Nubile était là pour fébrile. C'était encore une de ses locutions familières. Le mieux est de commencer par les papiers. Au reste, c'est comme ça que les choses se sont passées entre Aglaé et moi. J'étais dessinateur chez Eusner, Brassac et Grand Mougin, rue du Sentier. Elle échantillonnait des tapisseries pour sa joue de la rue Rambuteau. Nous nous convenions bien, n'est-ce pas? Nous étions assortis. Eh bien, nous avons commencé par les papiers, et vous voyez que nous nous en sommes bien trouvés. Plus pratique et moins convaincue de l'utilité des papiers, Madame Limonier dit qu'avant de répondre, il fallait le connaître. Il ne l'avait pas vu. Que faisait-il? Quel âge avait-il? Gagnait-il bien sa vie? Elle répondit sur tous ces points en glissant, mais en convenant cependant qu'il était juste qu'il le visse. « Sortez-vous avec lui ?» demanda Madame Limonier. « Nous ne sommes jamais sortis ensemble. Ne pouvez-vous pas sortir? En faisant une promenade ici, vous entreriez? Connaît-il Gromilor? Oui. Eh bien, il entrerait pour voir Gromilor. Quand il s'agit de mariage, on a toujours des prétextes de ce genre-là. » À l'appui de cette parole profonde, le mari raconta trois histoires confirmatives et comme Angélique avait Gromilor sur ses genoux, elle les écouta patiemment. Il fut convenu qu'elle tâcherait que cette visite eût lieu le dimanche suivant. « Venez un peu tard, » dit Limonier. « Nous vous retiendrons à dîner. C'est que... les amis des amis sont des amis. Je n'oserai jamais. »« Mais quoi ? Mais quoi, ce n'est pas le filleul du pape ?» Ce fut une affaire pour Angélique d'arranger cette visite à Asnières. Quelle raison mettre en avant ? Elle n'en trouva qu'une, Gromilor, et encore le samedi seulement. « N'auriez-vous pas plaisir à voir Gromilor ? » demanda-t-elle timidement, le cœur ému, avec un tremblement dans la voix que n'expliquait pas la simplicité de cette question. Gromilor, il n'y pensait guère. Cependant, par politesse, pour faire plaisir à cette brave fille autant que pour se débarrasser d'une question insignifiante, il répondit « Mais certainement, mais comment donc, ce pauvre Gromilor, il va bien ? Le temps est superbe. Est-ce que cela vous contrarierait de faire votre promenade demain du côté d'Asnières ? Je vous accompagnerai, si vous vouliez bien, et en passant, nous pourrions entrer chez mes amis limoniers. » Quelle singulière idée elle avait là. Certes, oui, cela le contrariait, de faire le lendemain sa promenade du côté d'Asnières. Au moins, cela l'ennuyait. Est-ce qu'un homme comme lui se promène à Asnières, un pays de canotiers, de comédiens? Cependant, ne voulant pas la fâcher, il accepta. Justement, parce que c'était un pays de canotiers, de comédiens, il ne rencontrerait là personne de connaissance. Le lendemain, ils partirent donc pour Asnières. Ça avait été un souci pour lui de savoir comment elle serait habillée. Pas mal, vraiment. Un chapeau de velours noir, un manteau en drap. Elle n'avait pas trop l'air d'une ouvrière. Mais ce qui n'était pas correct, c'était la maison des limoniers, au fond d'une ruelle, des barreaux verts, une chaumière dite landaise, un amour en terre cuite jour de la flûte, cela était dur à accepter. Dur aussi se trouva Madame Limonier, son bonnet à fleurs, sa robe de soie noire et sa chaîne d'or autour du cou. Plus dur encore fut Monsieur Limonier lui-même, qui, à son grand regret, ne put se lever pour présenter ses hommages à la compagnie parce qu'il s'était donné un coup à la renoncule du genou. Il fallut un moment à M. Passereau pour comprendre que cette renoncule du genou était la rotule, et plus longtemps encore pour se remettre de la suffocation qu'il avait éprouvée. Aussi, quand M. Limonier lui demanda de rester à dîner sans façon, il refusa. Ce fut seulement quand Mme Limonier parla d'une poularde du Mans que sa belle-sœur lui avait envoyée qu'il accepta. Comment refuser de prendre sa part d'une bête qui avait obtenu une médaille d'argent? C'était une sorte de jugement d'appel qu'on lui demandait. La poularde, qui était bien rôtie, à la broche, pas au four, le mit de belle humeur et lui fit oublier la renoncule. Pour Angélique, elle était rayonnante, et à deux reprises, sous prétexte d'aider Madame Limonier, elle alla rejoindre celle-ci dans la cuisine pour lui demander comment elle le trouvait. Mais très bien, n'est-ce pas? Seulement, ce n'est pas un jeune homme. Qu'est-ce que ça fait? Quand elles entrèrent dans la salle à manger, elles le trouvèrent l'air ébahi. Monsieur Limonier venait de lui poser une question devant laquelle il restait quoi. « Quelle est la sainte qui n'a pas besoin de jarretière ? » demanda-t-il à Angélique en lui renvoyant la question. Elle ne fut pas embarrassée, la connaissant depuis 20 ans, cette sainte. Mais Monsieur Limonier ne lui permit pas de répondre. « Faut pas la lui dire, Angélique. Puisque je donne ma langue au chien, eh bien, monsieur, apprenez, vous qui me paraissez savoir bien des choses, que c'est sainte Sébastienne. Ah, vraiment, je veux bien, c'est possible. » « Comment c'est possible? Sébastienne !»« Je vous en prie. Un peu de foie de cette excellente poularde ?» dit M. Passereau. Ce ne fut pas trop de ce foie pour faire passer la sainte. Angélique eut voulu interroger le mari comme elle avait interrogé la femme, mais cela fut impossible. M. Limonier ne lâcha son convive qu'à la porte, après lui avoir dit mille amitiés. « Vous voyez, » dit Angélique lorsqu'ils furent seuls sur la route de la station, que ce sont de bien bons amis pour moi. Oh, sans doute. Cependant, mille amitiés, c'est beaucoup. »